Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique pour ce spécial budget fédéral 2013. Et mon analyste financier, M. Andrew Castegan. Bonjour Andrew, comment ça va? Bonjour, je vous parle en direct de Ottawa. Alors aujourd'hui, tu vas nous analyser la privatisation de la formation de la main-d'œuvre. On va en parler plus tard avec aussi Gérald Filion qui va nous appeler de Radio-Canada. Ça me tentait de dire des niaiseries. Bonjour, bienvenue à Puissance Maximale. Là, on va vous parler jeu et non, on vous parlera pas du budget fédéral. On sait que vous vouliez en entendre parler en ce jeudi soir 18h, mais non. Nous, notre sphère d'activité, c'est les jeux. Mais avouez que notre jeu d'acteur était excellent. Hein? Je l'ai tué, mon cours de voix, moi, quand j'étais en théâtre au cégep de La Pocatière. Puis d'ailleurs, vous êtes chanceux. J'ai réussi à récupérer un peu avant d'avoir une voix de ouais, Perry White comme la semaine passée. Parce que Andrew a contracté sûrement mon rhume lors de la fin de semaine. Mais il est avec nous. Moi, j'ai un torticolis. Bref, on n'est jamais vraiment... Touche-moi pas, je vais m'en avoir un temps de ouais, ça se transmet au toucher, ça c'est bien connu. Alors, bienvenue à tous. Et écoutez, aujourd'hui, on va vous parler principalement de nouvelles ludiques. On va parler Samsung, on va vous parler PlayStation, on va parler de plein de trucs. Et tout d'abord, on vous rappelle que Puissance Maximale, ben c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com pour aller écouter nos anciennes émissions, écouter des podcasts, lire des nouvelles et bien d'autres choses. Rendez-vous également sur la page Facebook, donc tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez voir le petit icône en forme de D avec les lettres P, M et X. Allez appuyer sur j'aime parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs, puis ça va vous permettre de participer à des concours quand on va en faire. Nous, on fonctionne par Facebook pour tout ça. Ça. Et en plus, ben, vous avez toutes les notifications. Et on vous rappelle que vous pouvez toujours venir parler en direct avec M. Andrew Castegan. Donc, oui, d'ailleurs, on a déjà Vincent Langlois qui dit qu'il veut absolument avoir nos commentaires sur le budget. Écoute, beaucoup de chiffres, comme à chaque année, Monsieur Langlois. On n'est pas déçus, ça se calcule bien. Et voilà, écoute... Il n'y a pas trop d'algèbre. Pas trop. Il n'y a pas trop d'algèbre dans le budget. C'est vraiment des chiffres avec des dollars canadiens. Oui, des dépenses, des revenus même à l'occasion. Oui, puis il n'y a pas de yens. Pas de yens, non. On a fouillé, on s'est assuré, il n'y a aucun yen. Aucun yen, voilà, c'était la chronique. Il n'y a pas d'euros non plus. C'est ça, c'était la chronique financière. Écoute, on aura sûrement d'autres commentaires comme ça tout au long de l'émission pour vous tenir à jour, mesdames et messieurs. Et voilà. Donc, on vous rappelle, allez aimer la page de Puissance Maximale. Allez aussi sur la page de CKIA, donc le ckiafm.org, pour aller acheter votre carte de membre là, pour l'année 2013. Ça vaut la peine, un petit 20$ là, comme ça pour encourager la station et comme ça, encourager également des émissions différentes comme Puissance Maximale. Et là, Andrew, comme à notre habitude, on va commencer avec de la musique. Et là, on va commencer avec En fait, on avait déjà présenté cette chanson-là du groupe Blind Guardian, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Et il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, ils ont sorti une édition, 3 CD, un album avec des réenregistrements de leurs classiques, des remixes aussi. Et on va vous faire entendre une chanson qu'on a déjà passée à l'émission, la chanson The Bard Song, In the Forest, et la version réenregistrée de Blind Guardian. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, de retour à puissance maximale après Blind Guardian et sa nouvelle version de Bard Song in the Forest. Et oui, nous sommes de retour et là on va vous parler de nouvelles ludiques. Entre autres, je vais vous parler d'un petit truc que j'ai vu passer aujourd'hui sur Facebook, très drôle. Il me reste à le tester à la maison ce soir, mais mettons que vous avez Facebook. Ça me fait penser, je vais le faire, là. Ouais, c'est ça. Andrew va nous faire ça en direct. En fait, j'ai vu passer ça. C'est la gang, en fait, merci à la gang de Free Game qui ont posté ça via leur page Facebook. En fait, c'est que, d'après ce qu'on sait, c'est que Facebook, PlayStation Canada offre des codes pour avoir PlayStation Plus gratuit pendant un an. Et pour faire cela, ben c'est pas trop compliqué. Vous allez premièrement liker, donc aimer leur page Facebook de PlayStation Canada. Ils ont un statut sur leur page qui est Je vais ressortir la phrase exacte. If you could be any character from any video games, who will you be and why? C'est ça. Donc là, vous trouvez cette statue-là sur leur page. Vous la partagez sur votre page Facebook à vous. Et après ça, vous allez envoyer un message privé à PlayStation Canada en disant « J'ai partagé ce statut-là ». Moi, si on, moi je l'ai fait, là, je vous dis ça, ce n'est pas que des rumeurs, là, je l'ai fait moi-même cet après-midi. Et moi, ça prend à peu près 10-15 minutes, ils m'ont répondu « Merci d'aimer notre page, merci d'avoir partagé cette nouvelle-là. En guise de récompense, on vous donne un code pour avoir accès à un abonnement d'un an de PlayStation Plus. » Ben, écoute, je le prends. Pourquoi pas? C'est quand même intéressant, ça donne des bons avantages. Surtout si c'est gratuit pendant un an, parce que sinon, c'est combien déjà? C'est 60$, je pense. Je me rappelle pas par cœur, mais c'était, je pense, une trentaine de dollars à peu près. OK, donc, bref, ça peut... En tout cas, si ça vous tente d'essayer ça, allez sur Facebook, tester tout ça à la maison pour avoir quelques petits goodies moins chers et gratuits, même parfois, pour votre PlayStation pour un an. Et voilà, un petit truc comme ça. Et là, Andrew, on va vous parler rapidement là, de Samsung, parce que là, la semaine passée, conférence pour nous parler d'une nouvelle affaire, on savait pas trop c'était quoi. Finalement, ben c'est ce qu'on pensait. Ils ont annoncé le Galaxy S4, mais ils l'ont pas mal juste annoncé. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit. Non, ben en fait, on parle d'une... Ben, en fait, je peux pas m'avancer parce que j'ai tellement vu des nouvelles qui sont rumeurs. Il y en a qui disent « Ah, ça vient de telle source », mais en même temps... J'essaie de remonter dans la source, je l'ai pas trouvé. Mais on parle d'un téléphone qui risque de sortir quand même très rapidement. Là, on parle possiblement cette année. On parle d'un téléphone qui va avoir la nouvelle armature Nvidia Tegra. Donc, on parle vraiment là la dernière fine pointe de la technologie. Par contre, chose que j'ai remarqué, beaucoup de monde qui ont des Samsung Galaxy S3 se ressentiront pas forcément la nécessité de changer vers le S4. Ah, c'est bon ça. Puis d'après, qu'est-ce que Samsung semblait parler de leur mentalité, c'est qu'ils allaient probablement sortir des nouveaux modèles plus souvent pour rester à jour et compétitionner, mais en même temps, ils veulent faire ça pour être capables de maintenir plus facilement à jour leur plateforme. T'es comme exemple, s'ils sortent une nouvelle mise à jour d'Android, mais étant donné qu'ils ont des sorties plus fréquentes de téléphones, le hardware se ressemble plus, donc plus facilement mis à jour. Donc, c'est comme un peu une stabilité qu'ils essayent de viser. Puis donc, en fait, on parlerait peut-être d'une sortie d'un nouveau Samsung peut-être aux 2 ans. Parce que, dans le fond, la Samsung Galaxy S3 s'alignait pour sa 2e année cette année. Là. Fait que probablement que le S5 sortirait dans 2 ans. Puis il n'y aurait pas un si grand changement que ça en frais de puissance. Mais ça fait en sorte que le monde qui sont exemple avec un Xperia Play... Ben, ils vont apprécier le changement vers le S4. Effectivement, parce que ça risque d'être ce téléphone-là que je vais me diriger. Parce que oui, effectivement, ça c'est un truc, par exemple, moi je suis assez, malheureusement, malgré mon petit côté qui essaie de vraiment faire sa part pour la planète, qui fait attention à ces trucs-là, qui essaie de moins consommer en général, sur les technos, surtout pour les téléphones comme ça, là, je suis ben tannant. Dans le sens où ça me dérangera pas d'acheter la nouvelle technologie. Si j'ai les sous, je vais le faire. Je me trouve un peu épais, en fait, à ce niveau-là. Mais là, je suis dû, parce que ça fait 2 ans que j'ai mon Xperia Play. Et j'en parle avec Andrew souvent. Je commence à t'écœurer. Tu sais, des problèmes de téléphone qui se ferment tout seul. Que je perds... À un moment donné, la carte SIM est plus détectée tout d'un coup pendant que je parle. Donc, je perds mon appel. Une batterie qui se draine à une vitesse. Ma foi, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est des problèmes comme ça qui font que pour la réparation, on n'en parle même pas. Puis pour le prix que ça va me coûter si je change de téléphone, je vais être dû de toute façon là pour mon rehaussement cette année. Pour la différence de prix, ben, je veux dire, pour avoir une nouvelle batterie, OK, ça règle pas les autres problèmes. Donc, aussi bien m'avoir un nouveau téléphone. Voilà, donc, je pense que ouais, Samsung, ça me tente parce que moi, depuis mes 3 derniers téléphones cellulaires, ça a été des Sony Ericsson. Le premier que je m'étais acheté était vraiment dans les premiers, le téléphone multifonction. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ça, mais là, côté téléphone intelligent, là, Sony, ils sont pas là. Mais là, c'est ça, là, je viens de trouver un... J'ai fait une petite recherche rapide en même temps que tu parlais pour essayer d'avoir un petit peu plus de caractéristiques, là. Là, je viens de tomber sur un site qui s'appelle Les Numériques, qui est un site français qui, normalement, leur source d'information est fiable. Là, ils s'avancent pas tant que ça sur la date ou quoi que ce soit, mais dans le fond, on parle ici d'un téléphone compatible avec les derniers réseaux 4G. Et donc, dans le fond, le téléphone va être compatible avec la majeure partie des réseaux. Donc, il n'y aura pas d'exclusivité Roger ou Vidéotron ou XFR, là. Peut-être qu'il va y avoir une exclusivité pour qui va l'avoir en premier, mais tous les réseaux devraient l'avoir. Anyway, Samsung, ils n'ont jamais été... Jamais cantonnés dans un seul coin. Là. Ils ont toujours accès à tous les distributeurs, à tous ceux qui offrent le service, finalement. Exactement. Puis au niveau de l'écran, on parle d'un écran approximativement de 5 pouces. En fait, exactement, c'est 4,99 pouces. Fait qu'on s'entend-tu que... C'est 5 pouces. On arrondit à 5 pouces. On parle d'un écran Full HD Super AMOLED, qui est la nouvelle technologie des écrans pour Samsung. On parle d'une résolution de 1920x1080p. Donc, ici, on parle d'une résolution Full HD 1080p. Hey, moi, je vois mon téléphone qui fait vraiment pas d'HD, là, puis... La batterie suit pas, là. Ça, faut dire que j'ai pas de S3. Toi, t'en as un, Andrew. La batterie, elle se comporte comment? Attends, fais une journée. Ben, c'est pas pire. Moi, je suis obligé de recharger mon téléphone 3 fois dans une journée. Ben, tu sais, faut jouer un peu avec les configurations. T'sais, comme exemple, pas laisser la luminosité du téléphone être gérée par le téléphone. Ça, c'est de base quand on a un téléphone comme ça, là, c'est d'arrêter de mettre luminosité, on dirait que c'est mon rhume de la semaine passée qui m'en revient. Ça, puis pas mettre le Wi-Fi tout le temps allumé s'il n'y en a pas dans le coin ou si vous l'utilisez pas, ça gruge beaucoup la batterie. C'est des petits trucs de base comme ça, mais qui peuvent sauver effectivement beaucoup de batterie. Mais toi, il est pas full HD, ton écran? Il fait du 720. Un petit peu plus que 720, mais il fait pas le 1920x1080. Okay. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, mettons qu'on prend un film qu'on le met en 1080, là, t'as un film que t'as du download, tu le mets, le téléphone va le lire, puis ça va être une très belle image, là, mais t'es... Ça va demander du jus en calvaire, c'est écouter un film Full HD. Hein? Probablement. Mais tout ça pour dire, pour continuer rapidement, au niveau de la caméra, on parle d'une caméra 13 mégapixels au niveau de l'arrière du téléphone. Calvaire. 2 mégapixels pour le devant, donc pour se prendre en photo de nous-mêmes avec des charmants duck face. Pour mettre sur Facebook. Des chicks pics. Après ça, la caméra va être capable de faire de l'enregistrement à Full HD avec 30 frames par seconde, ce qui est quand même très bien pour un téléphone. Au niveau des codecs de lecture vidéo, le téléphone vient de base avec les codecs MPEG-4, H264, DivX, VC, WMV, puis plein d'autres que je connais pas. Donc déjà à base, une bonne base. Le lecteur vidéo intégré est quand même très bien. Le playback, ben Full HD 1080p. Comme le mien fait, il fait le Full HD. Là. T'es le player, il lit. Puis si je le branche une TV avec un fil spécial, il va le faire. Mais l'écran me donne pas le rendu, contrairement à celle-là. Sinon, au niveau des connexions, on parle Wi-Fi, Bluetooth. Il y a aussi un LED infrarouge intégré dessus pour l'utiliser comme télécommande. Ça, c'est cool. Probablement qu'il va avoir une application intégrée, sinon il va avoir baromètre, température, humidité, accéléromètre, et il va avoir tous les senseurs qu'on connaît. Est-ce qu'il va avoir une radio? C'est les écouteurs. Ah ouais? Oui. Parce que les S3, je sais que le S3 en a une. T'as la radio sur le S3. Moi, sur le mien, ça, c'est un truc, j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio avec mes anciens cellulaires. Ben, il y en a une petite de base dedans. Ouais, c'est ça. Mais tu prends pas si bien que ça. Tu vas pogné un signal vraiment local. Si tu veux vraiment la vraie antenne FM, faut que tu branches tes écouteurs dedans. Si tu regardes la jonction de tes écouteurs qui se rejoignent, tu as le logo FM dessus. Vraiment, ton antenne d'écouteur. Ben, le problème, c'est que moi, habituellement, les écouteurs qui viennent avec les cellulaires, je les prends pas. Parce que... Non, mais t'es, mettons, tu le mets pas puis tu veux écouter à la radio, ça va marcher. Là. Maintenant, tu te promènes dans la rue, tu vas pogné la CKIA ici. C'est juste que. Mettons, tu roules sur la route, puis c'est un peu niaiseux parce que là, t'as une radio dans le char, là, mais on s'entend-tu que... Non, mais mettons que je suis dans un char, je suis avec Allo Stop, puis ça me tente pas d'écouter... Énergie, ben ça me tente d'écouter les nouvelles à Radio Cannes, ben, ou c'est qu'il y a FM, tout simplement, ben, je vais pouvoir le faire si j'ai l'antenne, mais sinon, ça risque d'être plus compliqué. Tu vas pogner les postes plus locales. C'est ça, bon, ben. Non, mais c'est correct. Mais ça, c'est un truc de mon Xperia Play que j'ai beaucoup, beaucoup déploré. J'ai réussi à écouter la radio grâce à des applications, mais les applications, ça gruge la bande passante. Oui, puis sinon, ben, 2 GB de mémoire intégrée au niveau de la gestion des applications. On parle de trois modèles, 16 GB, 32 GB, 64 GB, avec une fente micro SD pouvant monter jusqu'à 64 GB. Au niveau des dimensions, on parle de 13.6 par 69.8 par 7.9 mm pour un poids de 130 grammes. Ben finalement, on a plein d'infos sur ce téléphone-là. Oui, mais c'est les seules affaires que j'ai. Ça finit là. Bon. Ben c'est quand même bon. Écoute, il faudrait faire un petit comparatif avec le S3, là, à part l'écran, là. La caméra la meilleure, je pense. La caméra est plus est meilleure. Je dirais qu'en tant que tel, la gros. Ben, en fait, même le design, on en regarde l'image du S4, puis ça ressemble à un S3. Puis vraiment, Samsung ont été clairs dans leur. D'après ce que j'ai vu des retranscriptions là, de la conférence. De la conférence. C'est qu'ils veulent pas que le monde regrette leur S3. Ils veulent juste, dans le fond, qu'il y ait une plus grande variété, un standard, dans le fond, qui est mis dans leurs produits. Fait que, tu sais, le monde qui a, exemple, un S2 ou un Galaxy S1, puis qui commence à être épuisé, ou toi qui veux changer de téléphone, mais tu vas être tenté d'aller vers un S4. Puis dans 2 ans, moi, qui ai un S3, mais je vais peut-être être tenté d'aller vers un S5. Puis toi, tu sais, tu perdras pas de temps. Non, c'est ça. C'est surtout ça qu'ils veulent faire. Ah, c'est bon. Bon, mais merci beaucoup, Andrew, d'avoir trouvé ces informations pour nous. Et on va continuer en musique. Oui, au niveau de la musique, on y va avec Fly Me to the Moon. Oh oui, un classique et interprété par The Man, Frank Sinatra. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes. Pas interprété par toi? Non, pas cette fois, Andrew. Andrew dit ça parce que... À l'occasion, on sort au bar Le Globe à Saint-Ruel où il y a un karaoké et quand je m'y risque, habituellement c'est une chanson que j'aime bien chanter. Donc voilà, mais non, ça va être Frank Sinatra qui va vous chanter ça sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg und Sie hören jetzt Puissance Maximale. Oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Frank Sinatra. Je ne sais pas si c'est de Frank Sinatra, mais c'est lui qui l'interprétait dans cette version-là. Et on va continuer en nouvelle ludique, M. Castigan. Oui, on va parler de StarCraft 2. Oui, parce que Art of Swarm est sorti la semaine passée. La semaine passée, on n'y a pas encore joué. J'ai hâte de l'essayer, par exemple. Oui. Parce que j'étais comme retombé récemment, depuis que t'as un PC qui fonctionne. J'ai comme eu un regain de jouer PC en ligne, entre autres avec toi. Et on a joué à StarCraft 2. Je me rends compte que j'étais pas mal meilleur que toi. C'est à cause que je te rappelle qu'à toutes les fois qu'on a joué, j'ai pogné les ergs à random, je te rappelle. Là. Puis à chaque fois, c'est toi qui se faisais rusher au début. Ouais. Mais on s'entend-tu que quand que je tombais sur les Protoss et Terran, par exemple, je te battais au niveau des scores? Non. Peut-être pas Terran, mais Protoss, je te battais. C'est bon. Les Protoss, j'ai commencé à les redécouvrir, en fait. Parce que depuis que j'avais StarCraft 2, je jouais pas mal souvent Terran. C'est à cause que les Protoss, le truc, c'est le Nexus. Il y a une affaire pour accélérer la production. Et on oublie trop souvent ce genre de petites choses. Ben, nous autres, oui, parce qu'on joue à l'occasion comme ça. On est loin d'être des pros. Là, on parle comme ça, mais... N'importe qui joue le moindrement, il nous torcherait, mais c'est un méchant temps. Mais c'est ça, c'est sorti la semaine passée, puis là, t'as une nouvelle par rapport à ça. Oui, mais en fait, c'est pas une grosse nouvelle, là. Vous allez faire pas vrai. En fait, je vous annonce que Blizzard a réussi à écouler 1,1 million de copies de son jeu de stratégie en moins de 2 jours. Ben, ça m'étonne. Ben, ça m'étonne pas du tout, là, parce que ça, c'était très attendu. Mais je me demande, c'est quoi les petits. Les petits plus, là, parce que moi, j'ai pas regardé ça du tout, par rapport à la sortie, là, ce que ça amène de plus. Je sais qu'il y a des nouvelles unités, évidemment, un nouveau storyline, là, c'est la suite de ce qui se passait dans le... Ouais, mais c'est ça, t'as la nouvelle storyline, en même temps, t'as une interface Battle.net qui a été complètement revampée. Ouais, ça, on l'a vu déjà. Là. C'est ça, sauf que là, il prend vraiment les couleurs officielles... The Heart of Swarm, là, t'es comme là, nous autres, quand on se connecte, on voit encore le vaisseau, là. Ouais, c'est mais là, ça. Tandis que là, on voit Kerrigan, puis tout le kit. Mais en même temps, chaque race a des nouvelles unités, des nouvelles évolutions. Il y a les Terran qui ont perdu une unité. Sauf que... Ils ont perdu quoi? Ben, c'est ça, quand j'ai vu le nom, puis j'ai vu l'image, j'ai fait... Ah, au moins, les Terran, ils ont ça. Puis ils disaient que, justement, elle a été retirée parce qu'elle était trop puissante, puis trop peu utilisée. J'ai dit, crime, j'espère, trop peu utilisée. Je savais même pas qu'il y avait cette unité-là. Ça ressemble à un genre de mec, là, mais t'es pas les torts, t'es genre. Ouais, mais il y avait les. Colin. Ben, je sais qu'il y a les vaisseaux, genre, les vaisseaux qui se retransforment en robots, là, mais. Non, t'sais, c'était vraiment un genre de méca, là. Ah, ouais. Vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir c'est vu... C'est que moi, quand je joue avec les Terran, quand on joue ensemble, je fais tout le temps, genre, tout plein, une armée de torts, puis j'ai la paix, là, mais... Ah, ouais, ben, Colin. Ben, tu sais, ça vaudrait la peine que je le trouve. En fait, la critique est sa première page. T'sais, je pourrais essayer de la trouver, là, mais sauf que là... Au pire, allez, je vais checker tantôt pendant une toune, puis je vais revenir avec ça, là. Excellent, c'est bon, ça, Andrew. Donc, beaucoup de copies. Ben, moi, j'ai hâte de l'essayer en maudit. J'ai hâte de voir la suite de l'histoire, parce que... C'est-à-dire que le storyline du premier StarCraft 2, si on peut dire ça comme ça, du premier chapitre, disons-le, c'est vraiment... Mais vraiment ben, en fait, moi, l'animation de Blizzard, ils l'ont tout plein, ça fait que les cutscenes sont vraiment belles. Le storyline était vraiment intéressant avec, justement... le retour de Kerrigan, la sauver de tout ça et de la ramener humaine. Là. J'ai bien aimé ça, donc j'ai hâte de voir la suite. Bref, on verra bien. C'est sûr qu'on va vous en parler quand on va jouer, c'est sûr et certain. Donc, autre nouvelle, M. Castigal. Oui, en fait, on va sortir quelque chose des boulamites, là. En fait, on va aller creuser dans des cryptes, là. On va parler de Vaporware, un jeu qu'on a parlé pendant longtemps, qui on n'a pas eu aucune nouvelle à part là. Final Fantasy versus 13. D'abord, moi qui se plaignais que Square Enix fallait qu'ils s'enlèvent les pouces du derrière pour faire de quoi avec ça, ben là, il y a une rumeur provenant du site VG Leaks, qui normalement est un site très bien informé au niveau des fuites sur les jeux. De là leur nom. Et il semblerait que, malgré toutes les apparences, malgré tout qu'est-ce que le monde pense, Final Fantasy versus 13 ne serait pas un projet abandonné. En fait, il serait renommé Final Fantasy 15 et serait exclusif à la PS4. Ben, quel tort. On n'a pas plus de date, on n'a pas plus de confirmation, mais bon. Quand même. Ah, mais c'est bon, ça. Écoute, tu vas être content, donc. Moi, je dirais que ce serait peut-être temps qu'ils sortent, là. C'est pas que Final Fantasy XIII... C'est celui qui était supposé venir avec leur nouvel engin graphique, ça, dont tu m'avais parlé. Mais en fait, à la base, Final Fantasy versus XIII était supposé être un jeu qui allait sortir en même temps que Final Fantasy XIII dans le projet Crystalis machin, que je m'en rappelle plus le nom, qui fait à peu près 2 mots, puis qui ressemble à du latin, là, fait que vous me pardonnerez. et que dans le fond c'était même principe d'histoire avec deux timelines différentes mais qui se rejoignent à un certain point de vue. T'sais, c'était un peu ça le principe. Sauf que Versus 13, il a été annoncé en même temps. Le premier et seul trailer qui est sorti a été présenté au E3. Après ça, on n'en a plus jamais entendu parler. Après ça, il y a eu Final Fantasy 13 qui était, ma foi, très mauvais, d'après ma critique, si vous vous en rappelez. À mon opinion, je juge personne qui a aimé le jeu. Moi, je trouve juste que c'est très mauvais comme Final Fantasy. On est loin d'un Final Fantasy 7 ou 6. On s'entend. Parce que Final Fantasy 6, it's da shit. C'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'il y a ça. Après ça, ils ont sorti Final Fantasy 13-2. Et après ça, ils ont annoncé Final Fantasy 13-3. T'es comment étirer la sauce, puis bref, t'es sur un jeu qui a juste pas marché, puis on dirait qu'il essaye de lever. Puis moi, j'étais comme, mettez des efforts sur Versus 13 parce que c'est l'équipe de Kingdom Hearts. Puis comme n'importe quel fan de Kingdom Hearts, je veux Kingdom Hearts 3. Puis ça serait le fun qu'il n'y ait pas deux générations de consoles de salon qui passent avant qu'on l'aille. Fait que, puis ça, pour ça, ben, il faut qu'ils sortent Versus 13. Fait que, t'sais, c'est pour ça que je disais qu'il serait peut-être temps qu'ils s'enlèvent les doigts du derrière et qu'ils fassent quelque chose. Mais on dirait que c'est ça. En tout cas, si on se fie. Mais il n'y a pas eu de confirmation. Il y a des rumeurs. C'est en masse, des rumeurs. On se contente de ça, nous, à puissance maximale, des rumeurs. Autre nouvelle, M. Castigan, avant de retourner en musique. En fait, je vous annonce que si vous avez Skyrim sur PC, si vous trouviez que c'était trop facile et que vous êtes à la recherche de nouveaux défis, le patch 1.9 est sorti et ça vous débloque le mode de difficulté légendaire qui vous permet de gagner 15 points de skills supplémentaires et augmente quand même considérablement la difficulté du jeu. Ça veut dire qu'on peut monter à 115 de feats? Exactement. De skills? Cool. Mais c'est comment ça marche? J'avais lu un peu, justement, comment ça allait fonctionner, mais j'ai pas trop compris. En fait, là, t'es sur le site en français. Moi, je lis très bien en anglais. Là, on dirait que ce bout-là, j'ai rien compris. C'est comme on reset la skill, puis après, j'ai pas trop compris. Ben en fait, ça, vous pouvez partir une game au niveau légendaire, mais sinon, en tant que tel, vous pouvez aussi l'activer à partir de votre menu d'option. Puis là, ça va changer le niveau de difficulté et ça va vous permettre de gagner 15 points supplémentaires. Ah, tout simplement. OK, c'est juste tout simplement mal lu. Et je vais utiliser le terme qu'ils utilisent. Aussi, ce patch corrige également une tripotée de bugs divers. Une tripotée de bugs divers. Parce qu'il y a des bugs dans Skyrim. Et la version console devrait sortir d'ici avril. Ah, merci beaucoup, Andrew. Et on va continuer en musique. Oui, avec une toune que t'aimes bien, encore une fois, de notre cher ami Eric... Calderon. Merci. Et oui, on continue avec une de ses versions métal de chansons connues et des fois méconnues. Et là, on va vous passer la chanson Mountain Cold de... C'est Misty Mountain. Misty Mountain. Espèce Cold. D'inculte. Pas chez Liard. Ah, d'ailleurs, il est sorti cette semaine en Blu-ray. Est-ce que ça a été confirmé qu'il allait avoir une version longue? Faudrait que je vérifie. La dernière fois, j'avais regardé non, mais ils vont sûrement sortir une. On s'entend-tu que le réalisateur, c'est le genre à dire « On sort un film, mais il y a une version longue, finalement. » C'est ça. Ben, c'est pour ça que je l'achèterai pas tout de suite, moi, The Hobbit. Je vais attendre. Donc, c'est la chanson des nains et version métal. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Dieu, les Indiens nous rattrapent! Il faut faire quelque chose, mon sang! Mettez plus de charbon dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Je pouvais pas résister. Avec un indicatif souvenir. Et, Je pense qu'on l'a mis la semaine passée, mais je pouvais pas résister. Ah, c'était pas l'autre avec le donjon? Avec les Orblacks? Bref. On va continuer avec d'autres nouvelles, mais en fait, je vais commencer par répondre à monsieur Mathieu Galarneau qui m'a envoyé des messages. Là, j'essaie d'y répondre via mon cellulaire, mais comme je l'ai dit tantôt, mon cellulaire fait chier. Donc, j'essaie d'y écrire, mais ça marche pas. Donc, Mathieu, pour répondre à ta question, Mathieu nous dit, est-ce que Final Fantasy est en train de devenir une chose du passé? Selon moi, oui. Cette franchise-là, selon moi, le dernier bon épisode de cette franchise-là, c'est le 7e. Les autres, j'ai juste pas accroché. J'ai vraiment moins aimé. Et selon moi, Final Fantasy, depuis un bon bout de temps, là, c'est vraiment plus la franchise de roleplay style japonaise. Les Tales of de Namco, pas mal plus intéressantes selon moi. Les gameplays sont plus intéressants. Et on a quelque chose, puis le visuel aussi là, est beaucoup plus beau. Selon moi, là, c'est une esthétique plus manga un peu, mais j'aime beaucoup plus. Square m'a beaucoup déçu dans les dernières années. Donc, selon moi, Mathieu, je répondrai oui. Je sais pas ce qu'Andrew peut dire là-dessus. Moi, je dirais que la qualité des titres Square Enix, en général, depuis qu'ils ont fait l'acquisition de Eidos, a baissé. En fait, moi, je trouve qu'on voit vraiment le syndrome d'une compagnie qui était vraiment dans son apogée. On s'entend-tu que Square Enix était vraiment une référence dans le type RPG? Ben avant, c'était Squaresoft. C'était Squaresoft. Puis là, Squaresoft a migré avec Square Enix. Là, ça a comme commencé à être le début de la débandade. Mais à part ça, ça restait quand même une référence, t'sais, on s'entend. Après ça, Eidos sont tombés en difficulté financière. Square Enix ont fait on n'a pas de jeu d'action, on n'a pas de jeu de stratégie, on n'a pas bien des affaires. On pourrait aller chercher Eidos, on pourrait remonter la qualité de leur jeu. Puis comme ça, on serait rendu multigenre. T'sais, on serait pas juste associé à ce type de jeu-là. Sauf que là, le problème qui arrive, c'est qu'ils ont fait ça. Puis la qualité des jeux Eidos a énormément monté. Juste à regarder, exemple, le dernier Tomb Raider, là, que finalement, les critiques négatives, c'est juste parce que le premier acte du jeu, vous l'avez tout vu en trailer. Ouais. Mais à part ça, le jeu paraîtrait qu'il est excellent. Là. À date, le monde qui a passé cet arc-là, à date, est très près. Là. Ils ont de la salive sur le bord de la bouche. Puis, Mais bref, tous les jeux, que ça soit. Deus Ex. C'est ça, merci. Deus Ex. Ou encore. Là, tu me perds. Le dernier jeu de ce que j'ai essayé, c'est Deus Ex Human Revolution. Ça fait que. Ouais, ben bon, j'ai pas d'autres titres, là, mais bref, prenez pas mal toutes les franchises qu'Eidos avait, là, putain, depuis qu'ils sont rendus sous Square Enix, généralement, il y a eu une amélioration quand même considérable de la qualité des titres, mais si vous regardez les jeux, peut-être à l'exception de Kingdom Hearts, ben, mais c'est un sous-studio de Square Enix, fait que les autres, ils ont pas vraiment été touchés, là, mais tu sais, vous regardez qu'est-ce qui est Final Fantasy, puis vraiment Square, là, RPG Square, c'est... Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question, Mathieu, et aussi, Mathieu, envoyer un fait intéressant. Ça fait 10 heures... comment il a marqué ça? Mais ça fait maintenant 10 ans que NHL 94 est sorti, mais on est en 2013. Ouais, ils ont toujours un an de plus. OK. Comme bon, là, on est en 2013, là. Ben, ça ferait 20 ans. 94, ça serait... Ouais, effectivement. Mathieu, tu dis n'importe quoi. Mais merci quand même de t'intéresser à la puissance maximale. Merci, Mathieu, pour ta question sur Final Fantasy. C'est toujours intéressant de parler de. Et là, on va vous parler de télévision. Parce que... Ben, en fait, je voulais corriger un lapsus. Oui, vas-y donc. Quand je vous parlais de StarCraft 2 tantôt, oui. En fait, l'unité qui a été retirée, c'était pas une unité déjà présente. C'est l'unité qu'ils voulaient mettre, finalement. C'est ça. Ah, c'est okay. Que le plan, c'était de mettre 3 nouvelles unités Terran, puis il y en a une des 3 qui ont jugé trop puissant et peu intéressant à cause des bêta-tests qu'ils ont fait, puis ils l'ont retiré. Et cette unité-là, c'était le Warhound. C'était un mecha. Bon. Exactement. Je cherchais l'autre mecha à part le Goliath, mais le Goliath, il est pas jouable hors dehors de la storyline, je me rappelle bien. En tout cas, bref, tout ça pour dire que merci Endo d'avoir vérifié. Donc, c'est ça, on va vous parler de télévision, pour la simple et bonne raison que j'ai envie de changer de télévision, mesdames et messieurs. Puis là, je sais qu'Andrew, il connaît ça un petit peu. Et là, on va parler, tout simplement discuter. Évidemment, pour le moment, ce qu'il y a sur le marché, c'est pas compliqué. LCD, plasma ou LED. Là, il y a une autre technologie qui s'en vient, AMOLED. C'est-tu AMOLED que j'avais vu? C'était autre chose. Ça ressemblait un peu à ça. Là. Ben, en fait, c'est la technologie dont ils ont... Ça a été parlé là, cette année au salon de l'électronique de Las Vegas. Sur plusieurs sites d'électro, entre autres sur Future Shop, là, ils en parlaient que ça s'en venait. OLED. Donc, ouais, c'est ça. Merci, Alexandre Carignan. Premièrement, est-ce que je me demande... La question est-ce qu'on attend Andrew Castegen avant d'acheter? Parce que, anyway, c'est une nouvelle technologie, ça va coûter les yeux de la tête, mais que ça sorte, premièrement. Parce que déjà, le LED... Il y a des bonnes chances. Le LED, à la sortie, ça coûtait très cher, hein? Là, on a c'est pas mal le top qualité présentement qu'on a sur le marché. Ben en fait, ça dépend de qu'est-ce que vous faites. En fait, si vous êtes un gamer, t'es un peu comme nous, on l'est. On vous surprend. Hein? On vous surprend. Si vous êtes un gamer, si vous voulez vraiment avoir la clarté d'image, le contraste, puis vraiment l'image la plus pure possible pour jouer dans le fond à vos jeux, effectivement, la TV OLED serait à privilégier. Si vous êtes un fan de films, beaucoup de cinéphiles ont plus un penchant pour le plasma. Étonnamment, j'ai parlé avec des fans de films et ils disaient qu'en frais de TV, ça prenait une TV plasma à cause du principe du noir absolu. Mais le problème avec le plasma qu'on est gamer, c'est que... Les jeux marquent. C'est ça. C'est, que c'est bien comme une cathodique, en fait. La cathodique faisait ça à l'époque. Ça faisait vous jouer souvent un jeu où, mettons que t'as une TV dans le salon, dans la cuisine, puis ta mère écoute tout le temps... TVA, LCN. Ben la barre... d'informations en bas de l'écran, elle va rester marquée sur ta TV. Ou RDS, les barres de pointage, puis toutes ces affaires-là. C'est ça, ça va rester. Le plasma, malgré qu'il y a des technologies quand même sur les plasmas, comme les gaming modes, qui font comme s'assurer que ça va pas marquer ou moins marquer, ça dépend. C'est sûr que dans mon cas, je suis gamer, mais je suis pas mal plus PC. Donc, ça me dérangerait moins. Mais je sais pas, on dirait que le LED... Moi, j'ai vu justement des TV OLED, là, des méchants beaux résultats. Mais sinon, au niveau des TV, il y a le LCD, comme tu as mentionné, qui est un peu la technologie plus vieille versus le LED. C'est pas exactement la même technologie, mais ils sont souvent associés, parce que souvent, on va voir TV LCD LED, parce que ça reste dans la même grande famille du LCD. La seule chose, c'est que... La grosse différence majeure, c'est que généralement, le LCD, vous n'aurez pas une genre de membrane vitrée à l'avant qui peut créer certains reflets quand il fait soleil, des choses comme ça, versus le LED. Le LED a comme cette surcouche-là que quand il fait soleil, ben vous allez avoir des reflets dans votre TV. Par contre, la luminosité du LED est beaucoup plus élevée que le LCD. Fait que, ben des fois, vous pouvez balancer votre luminosité pour que votre TV soit plus lumineuse que le reflet que vous avez dans votre écran. Fait que, c'est quand même pas si pire. Parce que c'est vraiment, on parle de contraste, là, parce que si on va avoir dans le mouvement, là, on va regarder le taux de rafraîchissement de l'image à ce moment-là. Comme moi, j'ai une LCD chez nous déjà, là, une 40 pouces LCD, qui date de quand même, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Et puis c'est ça, il y a aussi le côté noir, justement, le noir absolu. Ben, le LCD, on oublie ça, là. Mais tu sais, comme le LCD n'a pas le noir absolu non plus, mais c'est lui qui s'en rapproche le plus. Le LED, tu veux dire? Le LED, je veux dire. C'est lui qui s'en rapproche le plus. T'sais, dans le fond, si on prend une plasma qu'elle a le noir absolu versus une LCD, la LCD n'aura pas le noir absolu, mais c'est lui qui va être le plus proche. T'sais, si on met une LCD à côté d'une LED, on le voit. T'sais, LCD va faire plus un genre de... Une traînée noire souvent, puis c'est beaucoup moins intéressant. C'est ça, exactement. Sinon, à part ça, quand on va avec les TV OLED, on va voir les TV OLED normales, intelligentes, et aussi les TV OLED 3D. Moi, je vous dirais, personnellement, j'ai expérimenté les TV 3D OLED. C'est bien, je vous dirais, ça a un genre d'effet. Je vous dirais, premièrement, allez avec un 3D passif. Si vous voulez vraiment acheter un 3D, allez avec le 3D passif. Comme exemple, dans mon cas, j'ai essayé les deux. J'ai essayé la TV OLED actif au niveau du 3D, où ça prend une genre de paire de lunettes qui coûte quasiment 100$ puis qui a une batterie dedans. Et je ne voyais absolument aucunement le 3D versus la TV passive, que dans le fond, quand vous allez au cinéma, les fameuses lunettes réelles 3D, là, ben, ça fait là-dessus, là. Ça marche sur votre TV. Puis les paires de lunettes, c'est à peu près une quinzaine de piastres, là. Fait qu'on s'entend-tu que c'est une différence assez majeure. Il y a Alexandre Carignan qui nous dit, un de nos auditeurs, là, qui nous dit que lui, il y a une Plasma depuis 2007, qui a pété, il a brûlé quatre Xbox 360 pour, à force d'avoir joué, mais sa Plasma est top shape. Donc, mais il faut dire aussi qu'il faut vraiment, j'imagine qu'il faut vraiment que ça marque là, avec une barre de vie, mettons. Il faut tout le temps avoir le même jeu. En fait, c'est que la Plasma, ça roule beaucoup. Il y a après un certain laps d'heure, elle n'a plus le syndrome où elle va marquer. Mais tu sais, c'est à cause qu'il y a une certaine usure. C'est juste parce que l'affaire qui arrive, c'est que les signaux de jeux vidéo sont des fois un petit peu plus forts que le câble. Fait que tu sais, mettons exemple qu'on passe 4 heures ou même 2 jours, peut-être pas non-stop, là, mais à jouer à Guitar Hero, là, je sais, je l'ai expérimenté sur une TV au plasma Samsung, là, ben on a la genre de manche. La trame de la guitare, là. Qui imprime dans l'écran. Puis ça, encore aujourd'hui, malgré les années et les années où j'ai pas joué à Guitar Hero sur cette TV-là, ben, est encore là. Et je vois encore le menu de la Xbox 360 imprimé. Je suis bien content que mon père et sa blonde ne le remarquent pas, mais moi, toutes les fois, je le remarque. Dès que je t'assis dans le salon, moindrement un peu proche, puis qu'il y a du blanc dans l'écran, là, je le vois de suite. En fait, là, il y a une autre question qui se pose, Andrew. Quelle compagnie privilégiée? Écoutez, il y a des gros noms. Il y a Sony, il y a Samsung, il y a LG, il y a beaucoup de gros noms. Il y a Sharp. Mais qu'est-ce qu'on évite et qu'est-ce qu'on privilégie? Moi, je suis un gros fan de Samsung côté TV. Ben, je vous dirais là qu'au point de vue critique, là, pas mal tout le monde est unanime que les deux grosses marques qui dominent présentement le marché... En termes de qualité, on parle? En termes de qualité versus prix, c'est beaucoup Samsung et LG. Normalement, si vous voulez acheter du LED ou des choses comme ça, Samsung et LG ont pas mal la cote actuellement. Je vous dirais que Sharp laisse pas leur place non plus, mais Sharp, vous allez payer beaucoup plus cher. Eux autres, ils marchent beaucoup sur leur nom. Ça a été quand même un des géants du LCD. Je vous dirais, quand le LCD est arrivé, Sharp, c'était... la compagnie qu'il vous fallait dans votre salon. Tandis que là, je vous dirais qu'ils seront peut-être un peu à la traîne. Par contre, c'est pas mal les seuls qui vont vraiment offrir une TV à 4 couleurs. Parce que vous savez, dans le fond, le principe de la TV, c'est un mélange de 3 couleurs. Tandis que Sharp, avec les TV Quattro, offre la 4e couleur, qui est le jaune, qui normalement vient pas avec les TV. Fait que ça fait en sorte que quand vous regardez un film, vous allez avoir des couleurs vraiment plus détaillées. Donc, tout le monde, ils vont voir vraiment la couleur peau et tout ça. Mais moi, personnellement, depuis le temps que les TV roulent où on n'a pas cette fameuse couleur-là, là, ben, je suis encore capable de m'en passer. T'sais, si je pourrais sauver 500$ sur ma TV... Ouais, mais c'est George Takei qui fait les annonces de Sharp avec son « Oh my! » Ouais, non, c'est sûr que si on veut encourager le charismatique George Takei, on peut aller là-dessus. Sinon, je vous dirais... peut-être à défaut de me faire lancer des roches, là, je vous dirais, là... Il y a deux sorte de TV qu'actuellement je vous dirais d'éviter. La première qui est une ensemble, qui est toutes les marques maison que vous allez retrouver, comme exemple, vous allez chez Future Shop ou Best Buy, ils ont leur propre marque maison qui est... Rocketfish. Ben, il n'y a pas Rocketfish. Ah, ça, c'est pour leurs accessoires, ça. C'est ça, il y a une autre marque, là, c'est... Bref, la marque maison. Bref, c'est tout le temps la marque que vous avez jamais entendu parler, puis que juste là. Généralement, là, c'est ça. Je vous dirais que généralement, oui, ils sont souvent spéciaux. Vous allez vous dire, je me suis acheté une TV OLED de pas cher, mais généralement, ça vaut pas cher. Économisons un petit peu plus pour vous acheter de la qualité. Exactement. Sinon, je vous dirais que moi, une marque qui m'a vraiment pas impressionné, puis j'enlève rien à la compagnie, là, puis là, vous allez me dire, ah, regardez-le qui tape encore dessus, Sony. Ouais. Le prix que vous payez pour les TV Sony, je trouve ça décevant, mais à chaque fois, à toutes les fois que j'ai joué, exemple, au PS3, là, qui est une console Sony, là, c'est une TV Sony, c'est tout le temps trop noir, c'est tout le temps trop ci, il y a tout le temps trop de ça, ça fait pas ça, puis tu sais, c'est... Personnellement, là, je trouve vraiment que la performance versus le prix... Tu sais, je peux facilement sauver 1000$ sur une TV de la même grosseur chez Samsung ou LG versus une Sony, puis je vais avoir une image 10 000 fois plus nette, puis là, il y a du monde qui va dire « Ouais, mais Sony va te voir plus longtemps. » C'est pas vrai. Il y a tout le temps de quoi qui pète ces TV Sony. C'est tout le temps une affaire infrarouge ou une affaire où encore elle est plus lumineuse comme avant parce qu'il y a une lampe qui a brûlé quelque part. Puis tu sais, je dis pas ça, mais tu sais, moi... je suis fils d'un tenancier de bord. Hein, fait que moi, des clients, là, ils racontent tous leurs éboires. Puis croyez-moi, quand tu travailles en informatique, là, puis t'es le fils du propriétaire, là, t'en entends parler des problèmes, que ça soit avec un cinéma maison puis quoi que ce soit. Là, puis la marque que j'entends tout le temps parler, c'est Sony. Puis quand que je dis que Sony a une mentalité là, de nos clients sont fidèles, là, ils n'ont pas tort d'un certain point de vue, parce que je connais pas mal de monde qui sont frustrés, qui ont le goût de garocher leur Sony par la fenêtre, mais pour eux autres, c'est la meilleure marque, puis ils vont rester avec Sony. Mais tu sais, moi, je vous dirais, là, Samsung, LG, là, généralement, là, vous vous trompez pas. Puis c'est des très belles TV, à part de ça, je vous dirais, là, surtout les LG, puis ben les LG, Samsung me répète, mais les LG, Samsung ont pris vraiment un style très épuré. T'sais, vraiment TV mince, bordure noire. Ils essayent de rétrécir le plus possible les bordures pour vous laisser la plus grande superficie d'écran possible. Je vous dirais non, des très très belles TV. Puis en plus, ils sont souvent spéciales. Puis qualité-prix, là, thumbs up. Puis généralement, les critiques sont très unanimes là-dessus. Excellent. Hey, écoute, merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de TV. Ça va vite. On est-tu déjà rendu à la fin de puissance maximale? Ben, on ressemble pas mal à un mot de la fin, je te dirais. Bon, ben écoute, je vais me lancer. Et oui, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de puissance maximale. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là encore cette semaine, parce qu'on on a parlé, on voulait parler de nouvelles ludiques, on a parlé, mais on a discuté finalement de sujets et d'autres, entre autres de TV et de téléphone cellulaire. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir été là. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour dire que malheureusement, parce que je vais faire ma job de metteur en onde, parce que c'est de ma faute. Mais tout ça pour dire que la semaine prochaine, puissance maximale va être en congé. Par principe que je vais être, je vais traverser des forêts de dragons et affronter intempéries et dangers pour me rendre dans la métropole de Montréal. Fait que... Non, j'aurais pas de metteur en onde, donc puissance maximale va prendre un petit congé la semaine prochaine. Ça va être pas mal dans le bus pour venir à l'émission. Fait donc, que ça sera un petit peu dur de manipuler les boutons de la console en même temps. Donc profitez-en pour écouter des anciennes émissions sur le www.puissancemaximale.com et allez écouter des podcasts, anciennes émissions et autres. Allez sur Facebook pour nous dire que vous nous aimez, parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Et aussi, profitez-en pour partager la page de Puissance Maximale auprès de tous vos amis pour leur dire, écoutez, c'est une excellente émission. Ils vous parlent de tout. Ils vous aident à acheter des TV, des cellulaires. Vous donnent leurs avis sur des jeux bons et moins bons. Et en plus, ce sont des gentlemen avec des voix superbes. Bref, dites ce que vous voulez, mais partagez. Voilà. Donc, mon nom à moi est Michael Michaud. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux et autres trucs geeks. On vous rappelle également qu'il y a le site de CKIA, le ckiafm.org, pour aller acheter votre carte de membre et encourager la station et en même temps vos émissions préférées sur la grille horaire. Et je vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeux. And the dragons begin, it's D&D, fighting with the legends of yore, it's D&D, never kissed a lady before, nope, woo, alright, take it home, a little solo for it, one more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we one, two, three, four, die.